Bon, allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Parlons de ce mouvement. Oui, parce que c'est un mouvement. Ah oui, bah oui, hein. Ça se développe un petit peu partout en Europe. La musique faite à partir de Game Boy et autres ordinateurs vintage, disant Commodore 64, Atari, tout ça. D'accord, donc y'a des gens qui se mettent pour de vrai pour faire ça. Oui, mais il y a des gens qui font ça... Géométrie. Non, quand même pas, mais c'est leur... c'est un plus sympa, quoi. C'est leur activité artistique. Non, ça c'est Computer Truck, avec un featuring. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, écoute. We'll be right back. complimenti del popolo francese. Voilà, bienvenue, vous êtes sur Radio Campus, c'est Random, la 14e. Et ouais, 6 mois d'existence. 6 mois déjà ? Ah ouais, sans déconner. Voilà, donc ce soir on est 3, donc on va faire le tour de la table. Bonsoir Little Charlie. Bonsoir. Bonsoir DB. Bonsoir, bonsoir. Et à la technique, bon bah c'est Mad Martigan alors. Oui, comme... On tient à s'excuser, la technique a cassé le dernier morceau de l'émission précédente, qui s'appelle comment déjà ? Ah bah je sais pas, avec l'émotion moi j'ai tout oublié du coup. Oui, c'est donc l'émission Funk, We Got The Funk, putain, oulala. Ah, donc ouais, donc on a cassé le dernier disque de l'émission We Got The Funk juste avant l'intro, et on s'en excuse. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le petit programme, donc dans les actualités, on parlera du... De... Donc des changements sur les forfaits 3G, de ce qui va encore empirer, comme si ça pouvait pas déjà... Voilà. Et du coup, du débat sur la neutralité du net organisé par l'ARCEP. Voilà, désolé. Ensuite, on parlera de Lakito Ergosen. Soum. Soum. Putain, c'est du latin... Ah putain. Américanisé. D'accord. On reparlera de Google... Alors, qui demande les chiffres de la censure, en fait. Enfin, les chiffres de la censure lui sont adressés. Il se fait épargner par le DICNIL européenne. Voilà, DICNIL européenne. Ou si on verra que Google veut faire disparaître le HTTP dans les URL de son navigateur Chrome. On verra l'INPI et la censure du libre. On fera un petit tour du côté de l'Adopi. On parlera de Seedfuck, notamment l'occasion... Voilà, de l'ACTA, on parlera de l'ACTA. Et on verra aussi que SFR publie l'intégralité des sources du firmware de la 9box. Voilà. Et la vidéosurveillance de Darty, on en parlait de ça ? Ouais, je crois qu'on va en parler vite fait. Du coup, on va en parler. Tant qu'on est, on y est. Voilà. Et puis on fera un petit tour sur les dernières... les dernières sorties de systèmes informatiques libres. À la fin. Exact. Après notre dossier, bon, on fera un petit retour sur le Braille Centre Pi Congrès. Oui, un résumé de ce qui s'est passé, éventuellement une interview d'une des organisatrices du BEC, son feedback sur comment ça s'est passé. Rappelez-vous qu'on avait interviewé l'autre organisateur du Braille Centre Pi Congrès dans Random 9, il y a de ça quelques semaines. Voilà. Ensuite viendra le temps de l'agenda. Dans l'agenda. Tout cela entrecoupé de petites pauses musicales. Et en parlant de pauses musicales, vous avez entendu juste avant qu'on prenne l'antenne, donc c'est Complementi de Computer Trust, qu'on peut le trouver sur l'album Rock the Boulevard, Beach the Bourgeois. Voilà, voilà. Ouais. Et ben voilà. On démarre avec les actus. Allons-y. Donc, débat sur la neutralité du net. Donc au niveau, on va d'abord commencer par une news qui sera bien, à mon avis, avant de parler de la neutralité du net. Donc il y a, je pense que DB, tu peux nous en parler un peu de la news sur les ouais, bon allez, je m'y colle. Oui, émission vachement super bien préparée hein, quand même. Donc, et ben les forfaits internet, qu'est-ce qui risque de changer ? La grosse news en fait là-dessus, c'est pour dire que les fournisseurs d'accès internet par 3G, donc pour les téléphones mobiles, iPhone, tout ça, on en avait déjà longuement parlé, enfin on en a parlé plusieurs fois en fait dans Random depuis 6 mois, on avait remarqué quand même que l'histoire d'accès internet illimité, en fait c'est pas un accès internet, et il n'est pas du tout illimité. C'est pas un accès internet parce que on n'a pas de vraie adresse réseau sur internet. On a aussi une adresse... des protocoles qui sont filtrés, par exemple. J'allais en parler justement après. Donc la première des choses, c'était justement que l'accès internet, c'est pas un vrai accès internet. En fait, c'est un accès à un réseau qui lui est branché à internet. Vous n'avez pas d'adresse réseau internet quand vous utilisez de la 3G. Deuxièmement, est-ce que c'est un accès illimité ? Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, vous avez tout un tas de protocoles que vous ne pouvez pas utiliser. En gros, ce que vous pouvez faire avec de la 3G sur Internet, c'est du web. Vous pouvez lire vos mails éventuellement, sauf que c'est filtré et que en plus, c'est payant hors forfait. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous mettent Internet illimité, mais en vrai, vous n'avez accès qu'au web. Envoyer un mail depuis la 3G, c'est plus cher que d'envoyer un SMS. Donc bon bah voilà, ça fait comprendre un petit peu les choses. Puis il y a d'autres, d'autres types de, d'utilisation d'internet qui sont complètement interdites parce que complètement filtrées. Bon, ça va être bien entendu le téléchargement peer-to-peer, etc. Mais de toute façon, qui télécharge un film depuis son iPhone? Encore que j'en connais en fait. Mais également tout ce qui va être protocole de téléphonie par internet. Parce que si on vous propose un téléphone pour téléphoner par le réseau GSM qui coûte cher, on vous propose pas le moyen à côté de téléphoner gratuitement par, par internet, forcément. Donc en gros, ils ont reconnu que, enfin Bouygues en tout cas a reconnu que l'appellation internet illimité était fausse et mensongère, et qu'ils vont donc arrêter de l'utiliser, ce qui n'empêche pas Orange de continuer ses campagnes publicitaires en disant il y a Internet et Internet par Orange. Ce qui au final n'est pas complètement faux, il y a le vrai Internet et ce que propose c'est clair. Orange à côté. Donc bah voilà, alors dans le même état d'esprit en fait, toujours de ce qui bouge un petit peu à ce niveau-là, il y avait donc l'ARCEP qui a organisé un débat sur la neutralité du net, parce que notamment après la, la grosse grosse poussée ces derniers temps et la montée en puissance de l'action de la Quadrature du Net, même si on n'est pas du tout d'accord avec ni son action ni ce qu'elle fait, sa lutte institutionnelle, etc. Faut quand même reconnaître qu'effectivement, derrière, ça pousse sur la question de la neutralité du net. Et il y a donc eu un débat qui a été organisé par l'ARCEP. Alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications... De communications électroniques et de la poste. Des communications électroniques et des postes, puisque maintenant, il y a plusieurs postes. Donc c'est pas tout à fait pareil que l'ART. Si, c'est l'ART, mais avec les postes. C'est l'ART, mais avec les postes. Autorité de régulation des télécoms, plus la poste. Ouais, tout, tout ce qui est transmission, tout ce qui est médias de diffusion, donc télécom, internet et poste. Donc l'ARCEP, en fait, c'est par exemple l'autorité administrative qui délivre les licences d'opérateurs. Les licences d'opérateurs réseau, d'opérateurs télécom, etc. Et donc, ils en ont quand même marre de se faire taper sur la gueule à longueur de temps, parce que réseau pas neutre, parce que filtrage, parce que ceci, parce que cela. Ils auront donc organisé un débat là-dessus, auquel étaient conviés un certain nombre de personnes provenant des opérateurs réseaux nationaux, les gros, les Orange, les Bouygues. Il y avait donc les directeurs, PDG ou porte-parole des différents opérateurs. Il y avait aussi, heureusement, donc le président de FDN qui, Benjamin Bayard, qui essayait de faire entendre un son de cloche un peu différent. Il y avait des hommes et femmes politiques de tous bords. Zimmermann n'y était pas ? Je crois qu'il était dans l'assistance. Mais, Oui, il était dans le public, d'après ce que j'ai compris aussi. Et donc il y a eu donc Nathalie Kosciusko-Morizet et Lionel Tardy pour l'UMP, les traditionnels. On a eu donc à l'inverse les députés PS qui se sont illustrés sur Adopi, mais dont j'ai oublié le nom. Forcément, hein, mission supra bien préparée. Donc voilà, sans surprise, en gros, il y a les gros opérateurs. À part celui qui avait fait amende honorable en disant pour nos connectivités 3G, c'est pas l'internet, c'est autre chose. À part cet opérateur-là, chez Orange. Ça a été la volonté de pouvoir faire son internet vraiment à sa sauce. Il y a eu ce qui a été apparu pendant le paquet télécom. On a eu, la neutralité du net, mais que pour les contenus licites. Le problème, c'est que un contenu licite ou illicite, comment on fait pour savoir qu'il est ou pas illicite? Il faut qu'on l'analyse, il faut qu'on le filtre. Donc neutralité du net, mais filtrage. Hein. Donc ça annule directement la neutralité. Il y a eu quand même quelques remarques intelligentes sur le fait que le filtrage ça servait à rien, mais ça n'a pas changé d'avis les tenants du filtrage. Grosso modo, c'était à mon avis un débat un peu filtré déjà à l'origine au niveau des intervenants et de ce qui pouvait être dit. Puisque la seule voix vraiment dissonante en fait, c'était la voix de Benjamin Bayard et éventuellement de certaines personnes de chez Free ou de chez Bouygues ou je sais plus. Des techniciens qui savent. Seulement des techniciens. Enfin seulement, c'est déjà bien, mais voilà. Alors... On va rappeler un petit peu quand même l'enjeu de la neutralité du net pour celles et ceux qui ne suivent pas vraiment ce qui se passe exactement. Neutralité, un réseau neutre, c'est un réseau sur lequel personne ne cherche en fait à modifier les choses, ni à faire en sorte que telle ou telle donnée soit plus soit priorisée par rapport à une autre. Ça veut dire quoi ? Ben, c'est un prérequis pour la liberté de circulation de l'information. Parce que forcément, une requête qui part, mettons, de l'ordinateur d'un abonné de tel ou tel fournisseur d'accès à Internet, elle va transiter par le réseau de ce fournisseur d'accès à Internet, puis après elle va transiter par d'autres réseaux pour finalement atteindre son point final et revenir. On passe par différents réseaux qui sont opérés par différents opérateurs, dans différents pays avec différentes législations, et que globalement, si chacun commence à appliquer telle ou telle politique sur la vitesse du trafic, sur ce qui est licite ou pas, sur ce qui est filtré ou pas, parce que ceci, parce que cela, et ben à la fin on obtient un réseau où plus rien ne fonctionne et où les routes ne sont plus équivalentes. C'est pas forcément un réseau qui fonctionne plus, mais c'est un réseau tel qu'on connaît les réseaux téléphoniques communs, avec des accords entre opérateurs pour faire passer leur communication d'un opérateur à un autre. Bah, par exemple, c'est le roaming quand on va à l'étranger. Oui. Mais ça vient d'états d'accords très compliqués et complètement obscurs qui favorisent la pression d'opérateurs dominants et qui donne des trucs un peu hallucinants. Bah, on pourrait par exemple avoir des sites surtaxés où ça nous coûterait quelques euros la minute. Et justement, c'est l'un des axes de travail en fait, de toute façon, puisque on a quand même d'énormes sites web comme YouTube ou Dailymotion qui sont d'énormes générateurs de trafic que doivent savoir gérer les opérateurs, mais qui espèrent en fait pouvoir faire payer YouTube et Dailymotion, donc Google, hein, YouTube c'est Google, espèrent faire payer Google ou pour qu'ils participent un petit peu à la charge qu'ils font sur le réseau. Donc c'est un peu n'importe quoi, et c'est un petit peu un point sur lequel on est quand même pas d'accord du tout en fait, c'est pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, on va arrêter de parler de ça parce que quand même, c'est déjà 20, waouh. Akito Ergo Sum. Alors, Akito Ergo Sum, donc c'était une conférence, c'était quand je sais plus du tout. C'était du 8 au 10 avril 2010, organisé par le Templab. Enfin, co-organisé par le Templab et le... du 8 au 10 avril, je l'avais déjà plus, oui bah oui. C'était donc du 8 au 10 avril, c'était à Paris, et c'était co-organisé par le Templab et le DNS Lab. Ce sont en fait deux hackerspace parisiens. Et donc pendant 3 jours, il y a eu pas mal de conférences très techniques, donc des vraies conférences de hacking vraiment très techniques. Pas mal de choses vraiment orientées informatique, sécurité informatique. Ça fait plaisir à voir quand même si l'événement était payant et que c'était vraiment... Il y avait quand même pas mal de corporate là-dedans. Il y avait quand même des confs de Laurent Gaffier. Il y avait une conf assez intéressante sur les Canaries dans FreeBSD. Donc c'est-à-dire comment passer outre les protections contre l'exploitation de failles type débordement de tampons, etc. Dans FreeBSD. Il y a une couverture presse qui est assez intéressante. Notamment du CNISMAG ou d'autres choses sur internet. C'est assez intéressant de voir que justement il y a des choses qui bougent dans le milieu hacker en France et qu'on en voit le reflet dans la presse, même si c'est pas encore la grande presse mainstream française, c'est pas encore Le Monde, mais quand même ça commence à en parler un petit peu, tout ce mouvement hackerspace, et ça c'est plutôt une bonne chose en fait. Ça sort un petit peu de l'underground, mais c'est quand même... il y a des courants de pensée du mouvement hacker qui commencent à avoir voix au chapitre en France, et c'est pas plus mal. On va continuer sur Google. Donc Google fait parler pas mal de lui cette semaine. D'un côté, Google commence à mettre en place des statistiques publiques sur les demandes de censure des différents gouvernements. Donc par exemple, il y a le Brésil qui arrive étonnamment en tête de liste des demandes de censure, de résultats et de sites web. Ça s'explique surtout par le fait qu'en Chine, les demandes de filtrage sont des secrets d'État. Donc que Google ne peut pas communiquer dessus sans faire risquer la peine de mort aux personnes travaillant pour Google Chine. Donc Google publie des résultats de censure, mais avec un classement sur le... La Chine est hors classement, en fait. Elle est... Voilà, donc le Brésil premier, Chine hors classement. Et ça donc... nous, ça va, on est en 10e ou 12e position, je ne sais plus. Derrière l'Allemagne. Derrière l'Allemagne et l'Italie qui ont beaucoup plus de demandes de censure et de retrait de résultats. Donc voilà. Ça va, c'est plutôt, c'est entre guillemets une bonne nouvelle, même si c'est quand même le classement. C'est une bonne nouvelle, mais bon, il y a Google qui se pose en chevalier blanc, mais derrière qui se fait épingler par Dick Neal qui lui écrivent en commun. Donc Dick Neal qui épingle Google pour son non-respect de la vie privée dans Google Buzz, le fait qu'il récupère des données de Gmail et de Gtalk et qu'il affiche en fait les personnes avec lesquelles vous avez le plus communiqué, qu'ils affichent en tête du service Google Buzz. Donc on sait vraiment avec qui vous avez le plus d'affinité ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez le plus. Donc d'un côté, chevalier blanc sur la vie privée et les résultats sur Internet, ouais, etc. Mais d'un autre côté, ça les emmerde pas de faire leur propre business avec les données que vous leur filez dans Google Mail notamment. On rappelle que les politiques de confidentialité de Google Mail font que tous vos mails sont lus par... Enfin voilà, sont gérés par Google et qu'ils gardent les mails et qu'ils servent pour faire des stats. Ouais. Et donc le problème c'est que ça s'arrête pas là parce que donc là il y a Google qui fait une mise à jour de son navigateur Google Chrome et en fait dans la mise à jour quand on tape un site avec HTTP, HTTPS qui sont deux moyens de communiquer vers le site web en fait ça disparaît. Et bon, ça peut paraître anodin, ça peut simplifier la vie. C'est un peu la même philosophie que Apple de simplifier au maximum mais de cacher ce qu'il y a derrière. Et ça pourrait être louable, mais de mon côté, je considère que c'est... On enlève un élément technique, donc on enlève à l'utilisateur la possibilité de s'approprier, de connaître ce que c'est que le HTTP, le HTTPS, comment ça fonctionne, de comprendre pourquoi il y a des pannes de temps en temps. Là, on opacifie de plus en plus la technologie, comme par exemple pour les voitures, où on commence à avoir de plus en plus de blocs moteurs, avec pas mal d'électronique complètement scellée. On est en 2010 maintenant, il n'y a plus de voitures... Il n'y a plus de voitures bidouillables, ça n'existe plus. À part une vieille Dodge sortie de la casse. Ben, c'est quasiment les dernières voitures comme ça. Donc voilà. Tant qu'on est dans les petites news réjouissantes, je pense qu'on peut passer à l'INPI et la censure du libre. Donc l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Voyez-vous, je vais vous répéter ça pour que vous compreniez bien, mesdames et messieurs, de qui nous parlons. C'est donc l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Donc il enregistre les brevets, les marques, les dessins, donc voilà. Et qui défend donc forcément et farouchement... les brevets, et notamment les brevets logiciels, parce que les brevets logiciels, c'est autant de recettes en plus. Hein. Donc on voit quand bien... Quand on sait ce que vaut déjà un dépôt de marque ou un dépôt de dessin... Et quand on sait qui ça protège. Ouais. Et donc on insiste un petit peu là-dessus pour que vous compreniez bien dans quel camp... se situe cet Institut National de la Propriété Intellectuelle. Et donc il y a une exposition sur la contrefaçon. C'est une expo qui est faite par la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à la Villette. À la Villette à Paris. Et qui a toujours, qui globalement a toujours donné l'impression d'une institution équilibrée. Elle travaille depuis très longtemps avec Parinux, Ubuntu FR et l'April, faire des événements autour du libre. Le logiciel libre, ils font des Ubuntu parties, notamment une qui va se passer le 29 mai prochain. Et donc là, en fait, la commissaire de l'exposition s'est dit, on parle de contrefaçon, mais donc pour définir la contrefaçon, il faut définir les droits d'auteur. Et en plus de définir les droits d'auteur, il faut définir le copyright, parce que le copyright est déjà largement loin juridiquement du droit d'auteur, c'est une extension. Et pour moi, c'est une perversion du droit d'auteur. Et donc là, en fait, Oui, donc il y a eu une explication de ce que c'était que les droits d'auteur, de ce que c'était que la contrefaçon, c'était pas du vol, c'était de la copie. Et on parle donc de copie illégale tout le temps. Et la commissaire de l'exposition s'est dit, on va quand même parler des logiciels libres, parce que là, justement, ça se base sur le droit d'auteur aussi. Mais leur copie, elle n'est pas illégale. Donc c'est pour la commissaire s'est dit, au moins, il n'y aura pas d'amalgame. C'était juste une affiche. C'était une borne. Une borne, et donc avec une version audio et du texte. Donc voilà. Qui avait été concoctée par des personnes, je crois plus ou moins internes, ça avait été poussé en interne, je crois, par la cité de la Villette. Et donc en fait, il y a l'INPI qui est le financeur numéro 1. De l'expo. Et qui est plus mécène, mais financeur, vu que là, clairement, il dit, j'ai mis des sous, donc vous dégagez ça, il n'y a pas question que vous parliez de logiciel libre. Donc censure. Censure, et c'est quand même très loin de la politique de mécénat que les autres... toutes les expositions de la Cité des Sciences sont subventionnées par des entreprises, des organismes, et c'est quand même très loin d'une politique de mécénat ou de subvention, parce que là, il y a vraiment ingérence dans la politique de la Cité des Sciences. Donc voilà, alors l'April, il y a eu des appels à manif, en fait, qui ont été faits pour gueuler contre cette censure de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle contre le logiciel libre. Et au final, en fait, l'April privilégie une position qui est de discuter, en fait, avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui est déjà un partenaire important du logiciel libre, puisqu'ils organisent et ils hébergent des événements autour du logiciel libre, notamment des install parties. Donc pour l'instant, pas de manif de prévu, mais il y a quand même de l'action qui risque de se passer. Je vous invite toutes et tous à suivre un petit peu ce qui se passe du côté de l'April. Éventuellement du côté de la Quadrature, encore que je crois pas que ce soit trop leur tasse de thé. Bon, c'est pas trop leur truc de la Quadrature. Donc l'Institut National de la Propriété Intellectuelle qui souhaite censurer le logiciel libre. C'est bon à se rappeler ça. Au niveau des manifestations, il y avait le Templab et malheureusement... Le parti dont on ne citera pas le nom. Ah quoi, le parti pirate là? Les petits rigolos Qui eux ont appelé à manifester. Mais... Le parti pirate a appelé à manifester? Et ils seront présents à la manif? Je pense. Donc il y a le Templab, il y a Richard Stallman qui a appelé à manifester aussi. Ouh là là, j'ai peur. Stallman et le parti pirate dans la même manif. Ouh là là. Il a appelé à manifester, c'est pas sûr qu'il sera là. Ouh là là, j'ai peur. Donc, on va passer aux news d'après. Tant qu'on reste dans la politique française, y a Adopi qui... On va finir par faire un jingle Adopi, point Adopi dans l'émission Random. Donc, y a encore des rebondissements en fait. C'est bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je ne sais plus. Donc là, Adopi, on va quand même rappeler que là, Adopi, c'est la loi qui cherche à mettre en place la riposte graduée, donc envoi d'un mail, enfin, si on vous chope à pirater des logiciels sur Internet. Un avertissement, un deuxième avertissement, et ensuite on vous coupe. Et ensuite la coupure Internet, vous continuez à payer votre abonnement Internet pendant un an, et en plus, vous êtes fiché, et vous ne pouvez pas vous réabonner autre part. Et donc là, en fait, on a Michel Taulière qui a ouvert le bal. En démissionnant en début de semaine de tous ses mandats, notamment sénateur, et il fait partie de la Adopi, il est membre de la Adopi. Il est membre rémunéré de la Adopi. Voilà. Membre rémunéré, les gars, attention. Et donc il quitte tous ses mandats électifs à part 1, et voilà. Derrière, c'est suivi par une impossibilité pour le gouvernement de publier les décrets d'application, parce que dans la loi, il marquait qu'il faut absolument définir des moyens de sécurisation de sa connexion, puisqu'en fait, c'est pas contre le téléchargement illégal qu'on lutte dans la loi Adopi, c'est totalement hypocrite. On lutte contre une négligence caractérisée d'avoir laissé sa connexion ouverte. Voilà. Il y a tout un tas de décrets d'application qui ne sont pas parus. Oui, la loi n'est pas promulgable tant qu'il n'y aura pas des systèmes de sécurisation de son accès à Internet qui seront certifiés et bien définis. Entre autres, il n'y a pas non plus de décret sur les moyens de contestation, il n'y a pas non plus Il y a quelques décrets qui sont parus, mais ça c'est secondaire quand même. C'est secondaire. Et techniquement, ça commence à devenir un peu intéressant. Après les réseaux friend-to-friend, le chiffrement des données et des tas de mesures pour s'anonymiser un peu pour offusquer le trafic. Et là en fait on passe maintenant à du torrent poisoning, de l'empoisonnement de torrent. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un torrent. On a un professionnel je crois du torrent. Torrent, professionnel non. torrent en gros on télécharge un fichier grain qu'on peut trouver sur des sites spécialisés. The Pirate Bay. Voilà, ce fichier grain il contient des informations, notamment des informations sur comment contacter ce qu'on appelle un tracker. C'est en gros un serveur quelque part qui récolte les informations sur qui... à quel bout du fichier. Voilà, qui à quel bout du fichier. Donc une liste de sources. Voilà, une liste de sources. À partir desquelles on peut télécharger pour récupérer une copie du fichier. Voilà, donc ce fichier grain, en gros, il nous sert à avoir les adresses IP pour contacter les autres pires, ce qu'on appelle les pires, non. Des pairs, parce que c'est du téléchargement de pair à pair. Tout à fait. Et voilà, donc c'est Seedfuck, en fait, lui, il va carrément... polluer ces trackers, c'est-à-dire il va envoyer plein d'adresses bidons au tracker. Soit aléatoires, soit prédéfinies, donc on peut envoyer celles du ministère de l'Intérieur. Par exemple. Voilà. Mais bon, il y a forcément des adresses aléatoires qui vont être réelles dans le tas. D'autres qui ne seront pas forcément attribuées. Et qui seront toutes récupérées par la Hadoopi. Ça va plus loin qu'une simple pollution avec juste mettre les adresses, parce que... il pourrait quand même y avoir un suivi de TMG, la société qui surveille. On va en parler juste après de TMG, je vais insérer une news en live. Donc il pourrait surveiller, mais là en fait il va même y avoir une simulation de faux événements, du genre un ordinateur qui n'existe pas, qui va dire ça y est, j'ai fini de télécharger le torrent, maintenant je seed, je permets à tout le monde de télécharger. Des tas d'événements. Fantômes quoi. Ouais. Complètement fantôme. Qui va rendre très difficile l'identification de faux téléchargeurs et de vrais téléchargeurs. Voilà, parce que du coup, les adresses IP de ceux qui sont téléchargés seront noyées un peu dans une masse d'adresses bidons. Le problème, c'est que nos logiciels aussi vont aller tenter de télécharger les fichiers sur des adresses bidons. Donc c'est une vraie pollution, quoi. Voilà, ça ralentira un peu le trafic, mais après, si les trackers vont prendre cher. Les trackers BitTorrent vont prendre cher quand même si tout le monde se met à utiliser Seedfuck. Alors oui, donc Seedfuck c'est un petit logiciel qui est paru, ce qu'on devait dire. Seedfuck c'est un logiciel qui est paru il y a à peu près une semaine et qui en fait donc génère des faux événements provenant de fausses adresses configurables. On peut configurer les faux événements et les fausses adresses et qui les publie donc dans le réseau BitTorrent. Le but du jeu étant de noyer dans la masse les vrais téléchargements et d'induire en erreur les Hadoopi, etc., les milices privées des majors du divertissement, etc., etc. Au départ, c'était juste une preuve de concept, donc un code de merde publié en C#, donc une technologie de Microsoft. Et donc ça a été porté en C Ça a été porté en Python, en Java et en PHP. Je crois Java, je sais plus. JavaScript. Non, ça a été porté en Python et en PHP, ça c'est sûr. Après, je me souviens plus du reste. Et je sais qu'apparemment, il y aura un portage Perl aussi, assez rapide. Donc bref, en fait, on est passé en 48 heures d'une preuve de concept pourrie basée dans un langage de merde. C'est des technos Microsoft, quoi. J'ai le droit. C'est bon, ça va. Non mais on m'engueule parce que je dis des conneries sur Microsoft, quoi. Ça va bien 5 minutes, bordel. Et j'aggrave mon cas en plus. On rappelle que le CSA écoute l'émission notamment et d'autres organes de police à qui on dit bonjour. Donc Seedfuck en fait, comment foutre la merde dans les réseaux de téléchargement. Et comment en plus polluer le réseau par effet de bord. On va continuer à parler d'Hadoopi juste vite fait. C'est quoi cette musique? C'est parce que comme on a beaucoup parlé, en fait, il y a une deuxième musique de fond. Parce que celle de 25 minutes, elle est écoulée. Ah d'accord, ok. Oh là là là là. Ah oui, faut, putain, ah oui, Jester là. Ouais. Ah, faut vraiment qu'on arrête. Juste vite fait pour dire que également, il y a une publication qui vient du site pirate, donc peerats.net, je crois. Donc qui est un site qui lui s'occupe beaucoup de du réseau Idonki, donc du réseau Emule, et qui a constaté que plusieurs serveurs Idonki sont apparus et qui font des opérations un peu bizarres, indexer des fichiers un peu chelous. Et on s'est rendu compte que ces 4 je crois 4 ou 6 serveurs en fait appartiennent à Trident Media Guard, qui est la société donc TMG, donc Trident Media Guard, qui est la société qui a été mandatée par la Hadopi pour la surveillance. Donc voilà. Donc c'est la milice privée au service des majors et de la Hadopi. Donc une police privée qui va vous dénoncer. Attention. Et donc elle vient de se faire gauler ses serveurs sur le réseau Idonki, donc avec une liste, donc premièrement les adresses IP de ses serveurs. Et la liste des fichiers surveillés. Et la liste des fichiers surveillés. Ça apparaît, pour moi, ça m'apparaît un peu trop gros. Je me demande si c'est pas un test pour voir comment la communauté réagit. Ah, c'est possible que ça soit un test, parce que de toute façon, ils sont pas encore en phase de production. La Adopi étant pas encore montée. Mais au moins, on les a gaulés, on les a vus, et on sait quel genre de technique ils utilisent. On va parler vite fait de l'ACTA. Donc l'ACTA, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, le truc qui a fuité par la Commission européenne, en fait, c'est la même version que ce qu'on a à quelques trucs près. C'est la même Le, version le document c'est... a fuité. Hein. Il a fuité et la version, il y a une version publique qui a été publiée suite au scandale de la diffusion de la fuite. Et le document public est grosso modo le même que ce qu'il y avait avant, ce qui avait fuité. Et on a toujours la pénalisation des échanges de musique et de contenu intellectuel à but non commerciaux. Et on a toujours la criminalisation aux frontières et les saisies possibles aux frontières de baladeurs pour voir si vous n'avez pas de la musique pirate. Oh là là. Moi je mets tout le temps des 2600 Hz dans mes baladeurs, comme ça les mecs ils écoutent. Bref, on fait les dernières news ou pas ? Et donc au niveau des dernières news, il y a donc la Navbox où on a enfin vraiment de quoi recompiler le firmware, parce que l'annonce qui avait été faite de libérer les sources de la Navbox, ça permettait pas de faire un firmware valide et de faire booter la Freebox avec. Donc maintenant c'est vraiment le cas, il y a juste deux blobs binaires. Deux pilotes qui sont pas libres. Deux pilotes qui sont pas libres. Mais sinon le reste. Et qui sont téléchargés et installés pendant le processus de compilation. Ouais. Et puis dernier truc. En restant dans les box. Hein. Ouais, restant dans les box de merde. Puis vraiment de merde parce que Darty. Et donc là, on a Darty avec ses Darty Box qui propose maintenant la vidéosurveillance à ses clients. Et gratuitement d'après la news. Donc. Voilà. Donc ouais. C'est un peu une banalisation de la vidéosurveillance, encore une fois. Bon, ça a beau être dans un cadre privé, et là on n'a pas trop le droit à s'en mêler, il y a moins d'atteintes possibles à la... pour la vie privée, c'est quand même une banalisation et derrière un moyen de faire accepter la vidéosurveillance à une échelle plus globale. Et puis j'imagine, moi, c'est le truc dont on parlait tout à l'heure, moi je vois très concrètement, imaginez des parents qui font entrer la vidéosurveillance chez eux gratuitement par Darty, c'est rigolo, mais leurs enfants en fait, ils vont vivre toute leur vie avec de la vidéosurveillance à l'extérieur de chez eux et même à l'intérieur de leur propre maison. Les enfants vont grandir avec de la vidéosurveillance chez eux. Moi, je sais pas comment ça va être dans 15 ans. Comme ça, ils sont déjà habitués, je veux dire, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est cool. Ça rejoint un petit peu les remarques de Jean-Marc Manac sur la sécurité, enfin, la vie privée est un problème de vieux cons. Voilà. Il n'y a plus que les vieux cons qui s'intéressent à la vie privée. Parlant de vieux cons, on va faire une pause musicale. Ouais. J'abuse voilà. Un peu. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Campus, restez avec nous. Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales via Silk sur silk.dg-sc.org, canal random, et retrouvez nos infos sur lille.dg-sc.org/random. Reviens, je t'amuserai, je te le promets. Bye. Donc voilà, on est de retour sur le plateau de Random, donc l'émission de la contre-culture hacker, du bidouage, des libertés numériques. Et donc là, on va faire un dossier sur le BEC qui a eu lieu donc les 15 et 17 mai à Rennes. Raise Entropy Congress. Et donc on a au téléphone l'une des organisatrices, donc Valérie Dagrin. Donc Valérie Dagrin, bonjour. Bonjour. Alors déjà, petit élément, c'était donc du 15 au 17 avril et non pas au mois de mai. Ah oui, oui. Effectivement, c'est pas aussi. Sur un point, c'est qu'au mois de mai, je rebondis dessus, il y a les rencontres bretonnes du logiciel libre qui se déroulent également à Rennes. Voilà. Mais c'est peut-être de là que vient la confusion. Donc je t'écoute, Charles. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu... Le concept du congrès ? Du congrès, comment ça s'est passé, Alors, le concept du Braise Entropy Congrès, c'est à l'initiative de nombreux passionnés d'informatique, mais également de sciences humaines, sociales, politiques, arts graphiques et numériques. Il y a eu une convergence de plusieurs volontés d'associations, de groupes de personnes qui ne s'étaient pas concertées initialement et qui, lors d'événements de type Hackspace sur Paris ou essentiellement donc à Berlin, au mois de décembre, il y a eu une rencontre en sécurité informatique et sur des sujets d'actualité concernant l'accès à Internet. Le Chaos Computer Congress. Voilà, exactement. Eh bien, il y a eu une convergence ces 6 derniers mois pour mettre en place un Hackfest, donc ce congrès sur Rennes en avril la semaine dernière, et annoncer également la création, la mise en place d'un Hackspace sur Rennes. Donc là, ce serait un local permanent, un type de garage numérique, pour pouvoir bidouiller, échanger des infos, échanger... Avec 5 gus dedans. Voilà, avec 5 gus dans un garage. On est nombreux dans ce garage. Et il y a surtout beaucoup de créativité. Donc ça, c'est pour le côté émergence de ce congrès. Et ensuite, pour rebondir sur le contenu de ce programme, j'invite les auditeurs à aller sur www.braise-entropy.org. Parce que ce sont des éléments permanents, des documents ressources et téléchargeables qui arrivent au fur et à mesure des conférences. Tu vas nous en parler tout à l'heure. De toute façon, moi, je suis là pour vous. Pardon ? Il y aura le résumé, enfin, il y aura un lien vers le site web dans le résumé de l'émission. D'accord, mais c'est pour inviter les auditeurs à parcourir déjà le programme qui s'articulait un temps très fort, parce que c'est quand même une première en Bretagne. Donc, entre des concerts et des premières, donc dès le 15 avril au soir, sur la salle du Diapason à l'Université de Rennes. Et sur les deux jours suivants, dans des workshops, des installations, avec un grand succès sur le cerf-volant et appareil photo numérique présenté par Rémi. Oui, il y a eu des très belles photos aériennes du campus. Du campus, oui, il y a des très très belles photos. Le temps était idyllique, il y avait du vent. On peut y revenir tout à l'heure. Et également, quand même, l'atelier lockpicking, donc crochetage, qui a eu un grand succès pour... Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont formées pour la première fois, moi y compris. Au crochetage de serrure et de cadenas. Voilà, il faut quand même le rappeler, c'est une activité légale en France, dans la mesure où on a le droit de crocheter sa propre serrure. Deuxièmement, c'est un espace physique pour pouvoir discuter de sécurité informatique aussi. Donc c'est un support. Et il y a quand même eu également un autre très très grand succès, c'est l'imprimante 3D, qui est une innovation qui commence à pouvoir être accessible en montage personnel, parce que c'est encore pas industrialisé. Il y en a une qui est vendue à 800 euros et oui, voilà, il y avait l'un des participants qui avait fait ses propres machines avec plutôt aux alentours de 200-300 euros. Voilà, c'est ça l'idée de ce congrès, c'est le fameux do it yourself, c'est-à-dire que les appareils peuvent être en vente, mais on peut les faire soi-même, voire les améliorer ensemble. Il y avait une amélioration des machines de prototypage rapide qui a malheureusement pas réussi. D'accord, oui, exact. C'était le remplacement de la résine donc pour faire les modèles en plastique avec de la pâte pour faire les gâteaux. La pâte à sel, quoi. Non, de la pâte à gâteau. Elle était très bonne, mais par contre, ça n'a pas marché. Mais la pâte était trop molle, donc il y a toute une tactique à développer. Pour pouvoir, donc, en fait, l'objectif, pour le rappeler pour les auditeurs, de l'imprimante 3D, c'est de pouvoir concevoir des objets à partir d'un filament plastique qui se fond et qui rentre à l'intérieur de l'appareil, de composer un élément en trois dimensions. Et l'intérêt, ça peut être de fabriquer des composants, enfin, pas composants électroniques, évidemment, mais des composants pour aider au montage technique. Et donc, il y a eu pas mal de conférences aussi sur des sujets extrêmement divers. Voilà, alors là, je vais juste introduire, toujours pareil pour les auditeurs, le concept, c'est que nous avions donc deux salles de conférences avec plus de 30 interventions, ce qui est très impressionnant. Dont nous. De 10h à 18h, pardon. Dont nous. Donc, mais tu vas nous en parler de ta présentation. Et là, l'intérêt de vous parler de ces conférences, c'est qu'on a, ce qui est fort rare, hein, une grande diversité de sujets, c'est-à-dire que ce soit toi, libre des hébergeurs, que ce soit les mécanismes de mise sous influence et qui parlent des mécanismes sectaires en entreprise, que ce soit la liberté, l'économie, le droit actuel, Blender pour les outils graphiques, Mozilla et les communautés, donc pas nécessairement que le côté navigateur. Il y avait eu aussi un peu une conférence sur les outils musicaux, les outils de VJing, sur Milkimist. Voilà. Et il y a également eu l'Irura la Riot Network, le portail des explorateurs, donc de la vulgarisation scientifique. L'intérêt de présenter aux auditeurs, la grande diversité des sujets n'est pas que informatique, ça touche tous les sujets, donc ça concerne tout le monde, pour s'informer comment faire, où faire, rencontrer également les groupes utilisateurs Linux de Rennes et de Bretagne, parce qu'il y a également eu d'autres associations représentées durant cette congrès. Et là, je te laisse la main pour nous parler des conférences. Donc, au niveau des conférences, j'ai eu l'occasion surtout d'aller voir deux conférences qui m'ont marqué. Il y avait la conférence donc sur Milkimist, donc un outil de VJing qui fonctionne sur un FPGA, sur lequel on vient charger donc à la volée le code du FPGA. Il est compilé à la volée par un Linux qui est sur une puce à côté, et donc ça permet de faire des effets vidéo en temps réel, extrêmement rapide et assez sympathique. Alors, pour préciser, c'est une conférence qui a été faite par Sébastien Bourdeau-Duc, qui est un des organisateurs principaux de ce congrès, qu'on avait interviewé dans Random 09. Voilà, et qui a beaucoup soutenu l'organisation de ce congrès avec l'association Tux, que nous n'avions pas cité au tout début, donc c'est important de le dire. Donc c'est quand même grâce à eux qu'il y a eu ces conférences. Et donc sinon, la deuxième conférence que j'ai retenue, c'est effectivement la conférence sur la manipulation mentale en entreprise. Une conférence sur tout ce qui est dérives sectaires et manipulation mentale. Comment se protéger. Il y avait pas mal de parallèles avec l'informatique, avec le social engineering. Il y avait pas mal de parallèles avec la politique et d'autres trucs comme ça. C'était vraiment très instructif. Voilà. Criminologie, c'était très intéressant. Et donc au niveau du bilan du côté organisateur Notre bilan, il est positif dans la mesure où c'était 3 journées sur le soleil, plus de 300 participants entre la période du concert et les visiteurs, 20 personnes donc qui ont monté ce projet bénévolement durant 4 mois, une participation positive de tout le monde, des intervenants qui venaient d'un petit peu des quatre coins de l'Europe. Avec une petite anecdote, c'est que suite au volcan, la plupart des intervenants sont restés sur place à Rennes. Ils ont visité les alentours, c'était très intéressant. Donc des liens qui se sont créés, des projets qui se montent. Donc le bilan est positif et la plupart de ces personnes demandent déjà un deuxième événement de ce type. Ah bah carrément. Carrément. Carrément. Au niveau du hackerspace sur Rennes, tu as un petit peu des insights à nous annoncer ? Alors, si vous allez justement sur le site de l'événement, il y a une page entière qui est consacrée au hackspace, afin que chacun, c'est un wiki, donc tout le monde peut se connecter sur le site et peut apporter sa brique à l'édifice, sachant que les briques pour l'instant sont jetées sur les types d'ateliers. Pour l'instant, il faut valider un local. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a que ça, mais autrement, tout le contenu, d'accord. Le principe d'Hackspace, c'est souvent avoir un espace de projection et un espace bricolage. Donc on est d'accord là-dessus et voilà. En gros, il ne reste plus qu'à tamponner le lieu et c'est fait. D'accord, vous avez des pistes déjà pour des lieux ? Tout à fait, ouais, on a des pistes. Donc il y aurait le jardin moderne qui pourrait être déjà une référence, mais on essaie de faire en sorte que ce soit plus proche des campus. D'accord. Voilà. Ensuite, en centre-ville, on avait prospecté du côté des îles laboratoires, mais on n'a pas forcément des contacts de ce côté-là. Et ensuite, les associations ont leurs propres pistes, donc à voir, à valider pour que ce soit le plus près du public, puisque l'objectif, c'est quand même que ce soit un espace accessible pour pouvoir communiquer ce qui s'y fait et que nous-mêmes on puisse y accéder. Quand je dis nous-mêmes, ça peut être la majorité des étudiants. Donc c'est des espaces de création de projets. D'accord, bah c'est super gentil à toi de nous avoir un petit peu donné le bilan, un petit peu tes impressions là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Alors, bah, on va faire un petit effet d'annonce pour relancer l'info du début. Donc les rencontres bretonnes du logiciel libre qui se déroulent le 15 et 16 mai à la MJC du Grand Cordel à Rennes. On invite tout le monde à venir, c'est-à-dire grand public. Il y a des ateliers, il y a des séances d'information pour informer qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre et renouveler un petit peu les activités qu'il y a eu lors du Brest Entreprises Congrès sur des ateliers. Donc c'est l'occasion de représenter des logiciels, de représenter des outils. Voilà, donc ça se déroule le mois prochain. Eh bien c'est super gentil à toi. C'est moi qui vous remercie. Sur ce, je pense qu'on va enchaîner sur l'agenda des prochaines activités. Ouais, on va s'enchaîner sur l'agenda. On te remercie encore, Valérie. Jingle. Yes. Et puis, bonne continuation à vous. Et puis, tenez-nous au courant pour l'évolution du Hackerspace et puis d'une deuxième édition du Brest Entropie Congress, éventuellement. On ne manquera pas, on vous promet ça. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, au niveau de l'agenda, donc c'est un agenda qui est plutôt cool par rapport à... T'es fou, toi, il y en a plein qui sont pas sur ta feuille, en fait. On avait annoncé la fois dernière un cycle de 3 conférences données par Benjamin Bayard sur le thème « Qu'est-ce qu'Internet ?» dans le cadre des activités de l'association Liberté Numérique, qui est une association d'étudiants de Sciences Po Paris. La dernière aura lieu le mardi 4 mai, de 19h15 à 21h15, ce sera en amphithéâtre Albert Caco, 28 rue des Saints-Pères, à Paris. Vendredi 7 et samedi 8 mai, on a le Barcamp Économie sociale et solidaire et informatique. Donc ça sera à la MRS, c'est organisé par Stinux, Rhizome et d'autres personnes. Ça va être assez intéressant pour un Barcamp, c'est pas le traditionnel Barcamp qu'on pourrait s'attendre à voir à l'ESC de Lille par exemple. Mais donc c'est avec des gens issus d'un milieu militant autour de l'économie sociale et solidaire ou des logiciels libres, et ouais, ça va être une rencontre très intéressante. Donc on nous fait signe qu'il reste 2 minutes, donc l'AMRES, Maison Régionale de l'Économie et des Solidarités, de l'écologie. C'est écologie et solidarité, autant pour moi. Et donc c'est rue Gosselet à Lille, tout à proximité du boulevard Jean-Baptiste Lebas. Oui. Vendredi 7 mai, le même jour que le premier jour du BESSI, il y aura le meeting 2600 Lille, 19h30, Grand Place de Lille. Toutes les infos sur www.2600lille.org. Dimanche 9 mai 2010, ce sera la prochaine émission Random, Random 15. 19h-20h sur Radio Campus Lille, comme d'habitude. Le samedi 12 mai... Ah non, le 9 mai. Et ouais, et ça, c'est une news de dernière minute. Et attention les oreilles, il y aura... Alors, ça n'a absolument rien à voir avec l'émission, mais quand même, je tiens à le dire, Atari Teenage Riot. Atari Teenage Riot, le fameux groupe qui s'était... séparé en 2000, se reforme en 2010. Ils seront à Tourcoing, au Grand Mix, à 18h, le 9 mai. Je rajoute, c'était la news de dernière minute et tout, et après il y a les autres news de dernière minute. Le samedi 12 mai, le festival Mixité, un festival gratuit, il y aura No One Is Innocent en concert, donc c'est à la fac à Lille 1. Donc sur le campus où est implanté Radio Campus. Lundi 17 mai 2010, on aura les lundis des libertés numériques avec une conférence qui s'intitule 2 ans sans Facebook et je vais bien. Et donc ce sera donc dans les locaux de l'Union française pour la jeunesse au 1 rue Macquart à Lille, et donc ce sera à partir de 19h30. Le samedi 29 mai 2010, on aura le Barcamp Big Brother Awards 2010. Donc pour les Big Brother Awards. Du vendredi 28 au dimanche 30 mai, le Toulouse Hackerspace Fest. On a parlé du Brest Entropie Congress, de Hackiteur Gossoum, et donc voilà. Et puis les 4 et 5 juin, on a dernière chose, et après on arrête parce qu'on a dépassé. Le 4 et 5 juin, les RSSIL, donc Rencontre Sécurité Informatique et Informatique Libre. À Maubeuge, organisé par les copains de l'association Hack ici, qu'on salue au passage. Et puis on a fini parce qu'on a débordé. Voilà, donc à la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, bon dimanche. Sur Radio au revoir. Campus. Au revoir. bien canté.